Bonsoir, ma Hélène. 19h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. L'histoire a ses mystères, ses mythes emplis d'insolites, ses trésors cachés ou enfouis qui, par essence, restent à exhumer. Le monde de l'archéologie et de la sinologie ont bruissé à l'annonce de la découverte d'un trésor de légende, un mythe aujourd'hui devenu réalité, la mise au jour du fabuleux trésor de Zhang Xianzhong. Face à la trouvaille, notre pauvre arbre-saisonnière fait figure de piètre amateur, car ce magot chinois est à la croisée de l'archéologie, de la grande histoire, de l'épopée mythique et de l'effondrement d'une des plus brillantes dynasties, les Ming. Pour remonter le temps, entrevoir les faits, voir briller Sapec et Lingot, aujourd'hui le magazine d'archéologie de France Culture a pour invité un incontournable lettré, spécialiste de cette Chine des Ming, François Thierry. Bonjour. Bonjour. Conservateur général honoraire, vous avez eu en charge l'ensemble des monnaies orientales du département des monnaies et médailles de la Bibliothèque nationale de France. François Thierry, pour le numismate que vous êtes, que représente ce trésor fraîchement exhumé ? Ah ben c'est quelque chose de très très important parce que on a là des quantités énormes de monnaies d'argent, des ocho reales espagnols, des lingots d'argent et des lingots d'or. Mais on trouve surtout une chose extrêmement rare, ce sont les grandes pièces, les médailles que Zhang Xianzhong avait fait fondre, médailles en argent, en or et en bronze, à son nom, Si Wang, le roi de l'Occident, avec l'inscription Si Wang Shanggong, c'est-à-dire remerciement du roi d'Occident. C'était en fait des pièces qu'on distribuait aux officiers méritants, aux lettrés. Presque de la médaille. C'est de l'ordre de la médaille, de la récompense. Ce qu'il faut voir, c'est que pour le moment, on ne sait pas exactement tout ce qui a été trouvé. On a quelques informations. Moi, j'ai eu des collègues qui m'ont envoyé quelques images. Bon, il y a des choses intéressantes, mais je pense que tout est à venir. On connaissait bien ces pièces ? On en avait déjà beaucoup sur, je dirais, le marché, c'est pas le marché, mais dans les musées. Dans les musées. Alors, les médailles d'or, là, on en connaît que trois qui sont au musée de Shanghai, si ma mémoire est bonne. Une en or, une en argent et une en bronze. Les lingots, on en a pas mal. Mais là, l'avantage, c'est qu'on a leurs sources. Et c'est les lingots d'or, par exemple, on a les lingots d'or de 50 liangs, c'est-à-dire presque 2 kilos d'or, avec des inscriptions. Moi, j'en ai vu quelques-unes. Il y a une inscription en particulier qui est très intéressante parce qu'elle indique l'origine de la fonte de ce lingot. C'est Changsha. Or, on sait que Changsha a été pillé par Zhang Xianzhong. Et il y a beaucoup de lingots d'argent. Alors là, il faudra voir maintenant la documentation quand elle sera publiée. Pour le moment, on n'a que des choses vraiment très, très fragmentaires. Mais c'est fabuleux. C'est une découverte énorme. Ah, c'est monstrueux. Parce que là, on a vu quelques photos. C'est des centaines de lingots. Il y a aussi beaucoup de bijoux. J'ai vu qu'il y avait des sceaux aussi, des sceaux en or. Alors, il y a probablement des sceaux de Zhang Xianzhong, mais il y a probablement des sceaux qui ont été pris aux princes, différents princes Ming de la dernière période, puisque, grosso modo, Zhang Xianzhong a pillé au moins deux résidences de princes de la famille Ming, dont un à Wuchang et l'autre à Changsha. Le trésor objet de pillage était au fond de la rivière Min. Les archéologues chinois n'ont pas hésité à l'assécher ? Oui. Alors ça a été effectivement... En fait, c'est parce que depuis presque une dizaine d'années, des objets sortaient de la rivière. Il y avait des fouilleurs clandestins, il y avait des plongeurs. Donc la police chinoise a arrêté plusieurs trafiquants avec des lingots, avec des pièces, avec des objets. Alors ils avaient essayé de protéger le site, mais c'était assez difficile. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont décidé de faire les choses en grand et ils ont détourné le cours de la rivière pour la sécher. Et puis effectivement, ça a été la découverte du trésor finalement. Pourquoi ce trésor était-il au fond de l'eau ? Il est au fond de l'eau parce que quand en 1644, début 1645, quand Zhang Xianzhong est pressé de toutes parts par à la fois les Ming du Sud et les Qing, donc la dynastie Manchu, il veut s'enfuir et donc il pille une dernière fois Chengdu, sa capitale. Il ramasse tout ce qu'il a déjà pillé dans les autres villes. Et il met ça sur des bateaux, il part. Et puis, il tombe dans sa flotte tombe dans une embuscade, elle est coulée. Lui arrive à s'en sortir, il s'enfuit. Mais évidemment, le trésor, beaucoup d'armes, et évidemment, toute sa fortune tombe au fond de la rivière. 50 bateaux, paraît-il? C'est ce qu'on dit, oui, les sources qui sont assez fiables, parce que il y a deux ou trois ouvrages de la fin des Ming, donc qui datent de 1645 jusqu'à 1680, début des Qing. On a des sources assez fiables. Avant sa découverte, ce trésor était-il réellement mythique? Ben oui, parce qu'on ne savait pas exactement ce qu'il y avait. On ne pouvait pas penser qu'il y avait de telles quantités d'objets, d'or, de lingots, de monnaie. Donc on disait, oui, bon, il y a son trésor qui est tombé. Bon, mais qu'est-ce qu'il en restait de son trésor? Vous savez, il était déjà affaibli. Mais en fait, non, il avait gardé une grande partie de ses... Parce que quand il quitte Chengdu, donc en décembre 1644, parce qu'il ne peut plus rester sur place, son premier ministre lui dit, il faut tout embarquer, et il pille sa propre capitale. Donc non seulement il emmène ce qu'il a dans sa trésorerie, mais en plus il ramasse tout ce qu'il y a dans les temples, dans les résidences. Et d'ailleurs, on assassine tous les gens qui refusent de donner leur argent ou leur or. C'est pour ça qu'on a trouvé beaucoup de bijoux, de petits bijoux, des boucles d'oreilles par exemple, des bagues, des choses qui sont des petites choses. Eh ben non, ça c'est des quantités qui sont accumulées au fond de la rivière. Refaisons l'histoire. La dynastie Ming est assurément une période brillante. Ming, d'ailleurs, signifie lumière. Pour l'historiographie chinoise, elle représente surtout trois siècles chinois coincés entre deux dynasties étrangères. Oui, alors justement. Mais le problème de la dynastie Ming, c'est qu'effectivement, c'est la seule dynastie nationale de la période moderne, si l'on peut dire. C'est-à-dire qu'avant, vous avez les Mongols. Et même avant, vous avez eu comme toutes les Song. Les Song sont envahis par les Qin, les Jurchen, donc qui prennent la moitié du pays. Ensuite, les Song du Sud, c'est une toute petite dynastie. Ensuite, c'est les Mongols. Et puis donc les Ming pendant deux siècles et demi, hein, de 1368 à 1644 et un peu plus tard pour les Ming du Sud. Puis après, c'est les Qing, sont les Mandchous. Donc effectivement, quand il y a eu la révolution de 1911, on a survalorisé évidemment la période Ming parce que c'était la période nationale. Hein. Bon. Et puis de même, au moment de la fondation des Ming, un des éléments de la fondation et du gouvernement Ming, ça a été la restauration de la signitude, enfin la valeur des Han par rapport aux Mongols et par rapport aux Mandchous, par rapport à tous les barbares qui avaient dominé la Chine. Oui, ça c'est... Mais bon, culturellement, c'est pas une des plus grandes dynasties. Elle a beaucoup d'importance pour nous parce qu'en fait, c'est la période où les Occidentaux vont découvrir la Chine. Avant, bon, il y a Marco Polo, il y a quelques personnalités qui vivent en Chine, qui connaissent l'Empire. Tandis qu'à partir des Ming, et en particulier à partir du XVIe siècle, quand les Espagnols prennent les Philippines, puis Formose, les Portugais sont à Macao, à ce moment-là, vraiment l'Occident découvre la Chine. Donc, et à ce moment-là, pour les Occidentaux, Ming et Chine, c'est la même chose. Hein. Donc on fait de la Chine des Ming quelque chose de plus important qu'elle n'est dans la réalité. D'où d'ailleurs la découverte de monnaie espagnole. Voilà, alors là c'est parce que les Espagnols, l'argent des mines d'Amérique, colonie espagnole, se déverse dans tout le monde évidemment, mais aussi du côté asiatique. C'est-à-dire que aux Philippines débarquent les vaisseaux espagnols avec les pièces espagnoles, les ocho reales. Et puis les marchands chinois qui sont à Formose ou au Fujian vont commercer à Manille. Il y a un gros quartier chinois à Manille. Et à ce moment-là, donc à partir du milieu du XVIe siècle, l'argent espagnol commence à rentrer en Chine, où il remplace d'ailleurs l'argent japonais. Avant, c'était l'argent venait du Japon. Et donc, peu à peu, les pièces espagnoles entrent. Et on en a trouvé beaucoup donc au Sichuan, mais c'est probablement des pièces qui ont été pillées dans les trésors des princes Ming de la basse vallée du Yangtze-Kiang. Parce que ça, c'est des trésors qui ne sont pas arrivés comme ça au Sichuan. Ils viennent du Fujian et du Fujian sont passés à Changsha, à Wuchang, enfin toute la basse vallée du fleuve bleu, ça c'est évident. On en a trouvé d'ailleurs au Fujian, on a trouvé des trésors de pièces espagnoles de 1650, 1604, 1608, j'ai plus les dates. Mais on avait déjà trouvé quelques trésors. Mais là, ça a l'air d'être des quantités énormes. Hein. J'ai vu des photos, c'est vraiment des trésors dignes de trésors espagnols d'Occident ou d'Amérique. Tout commencerait en 1368. Qui est le fondateur de cette dynastie? Quelqu'un, une fois de plus, sorti de nulle part. Oui, c'est Chu Yuanzhang, qui est un... Alors, ça a été un berger, un gardien de buffle. Il y a toute une légende autour du personnage. En fait, c'est un homme assez intelligent, décidé, très bon organisateur. C'est à la fois... Parce qu'il se révolte donc contre les Yuan, les Mongols. Mais il sait en même temps jouer de temps en temps, être neutre, neutre pour combattre d'autres rebelles. Et finalement, c'est lui qui va emporter la victoire à la fin contre les autres prétendants et contre les Yuan, les Mongols. Les Ming, c'est avant tout une politique de grands travaux, dont la mise en place d'une flotte maritime qui contribue au rayonnement de la Chine, une sorte de nouvelle puissance maritime. Ah bah au début, oui, pendant le premier siècle, tout le 15e siècle. Oui, la Chine est une grande puissance, la Chine se redresse, on réorganise l'agriculture, l'économie, on remet sur pied une armée nationale. Et puis effectivement, il y a cette politique de maritime qui emmène les navires chinois jusqu'aux côtes de l'Afrique. L'Inde, c'est le Sri Lanka, la Malaisie, l'Indonésie, les détroits. Ça oui, il y a la grande période, mais ça s'arrête d'un seul coup sous l'empereur Xuanzong, c'est l'ère Xuanhe, vers 1435, dans ces eaux-là. Et d'un seul coup, la Chine arrête parce qu'en fait, le résultat financier de ces expéditions n'apparaît pas clairement aux yeux des autorités et de l'administration. Ce n'est pas des expéditions commerciales? Non, ce n'est pas des expéditions commerciales. C'est de l'ordre plutôt de la découverte. Et d'ailleurs, la Chine, bizarrement, se referme à partir du milieu du 15e. Et le commerce, en fait, elle va être surtout entre les mains des Persans et des Arabes qui... Et puis, à partir du début du 16e, elle va parler les Hollandais, les Portugais, les Hollandais et les Espagnols. C'est aussi le transfert de la capitale vers Pékin? Oui, alors ça, c'est... disons plus tardif, mais enfin oui, mais ça n'a pas, disons que ça n'a pas une importance, ça a une importance psychologique ou politique dans la mesure où on met la capitale au nord, c'est-à-dire près de ce qui est la frontière et du danger mongol, parce que le danger mongol reste quand même très très important au début, mais ça n'a pas une importance. C'était Nankin avant? Oui, c'était Nankin qui est sur la basse vallée du fleuve bleu. Et là, c'est vraiment la région riche. C'est là, c'est les greniers, c'est le grenier à riz, c'est la soie riz, c'est tous les débouchés maritimes que n'a pas Pékin. Et puis pour vous, c'est notamment le papier monnaie, vous qui êtes numismate. Hein. Oui, alors le papier monnaie, effectivement, puisque la dynastie Ming. Est très connue par ses papiers, par ses billets, surtout parce que ce sont les seuls que nous connaissons en Occident et que nous conservons en grande quantité, enfin en quantité assez importante. Mais il faut dire que ces billets sont des imitations pures et simples du billet mongol, dans sa forme, dans son organisation, dans son papier, dans l'encre, la façon dont c'est écrit et tout. Et les Chinois ont conservé, il y a en Chine, on a trouvé des billets des Mongols, des Yuan. On a trouvé aussi des plaques imprimées de l'époque Yuan. Et je crois qu'il y en a aussi dans les musées russes, je crois qu'à Saint-Pétersbourg, à l'Hermitage, il y en a aussi. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. François Thierry, ces billets, ils seront abandonnés à un moment? Oui, ils sont abandonnés parce qu'en fait, ce sont des billets qui sont imprimés sans véritable réserve. Et peu à peu, leur valeur décroît et le billet est abandonné assez vite à partir du XVIe siècle. Milieu du XVIe siècle, c'est fini, on ne les utilise plus. Les talons, c'est quoi? C'est le cuivre? C'est l'or, l'argent? Non, les talons... Alors, le système chinois, ce n'est pas un système avec un étalon... métallique, c'est une monnaie fiduciaire. Donc la monnaie fonctionne à partir d'une pièce, la SAPEC, qui vaut un point. Le drame pour la dynastie Ming, un drame, c'est effectivement l'éruption de l'argent. Parce que là, on a conflit entre deux systèmes monétaires, un système monétaire de valeur de monnaie fiduciaire, qui circule sans étalon, et puis en face, une monnaie qui est une monnaie marchandise, parce qu'en fait, c'est la valeur de l'argent qui donne la valeur à la pièce, et on se trouve entre deux systèmes qui évidemment, commencent à craquer, parce que le système chinois fonctionne à peu près, mais à partir du moment où les gens utilisent de plus en plus l'argent, et en particulier un argent qui vient de l'extérieur, le système commence à tanguer fortement. Et d'ailleurs, on voit que sur certaines monnaies, en particulier les monnaies des Ming du Sud, on inscrit au revers la contre-valeur en argent. C'est-à-dire, cette pièce vaut un li ou un fen d'argent selon la taille de la monnaie de cuivre. Donc là, il commence à y avoir une sorte de rapport cuivre, enfin cuivre, oui, cuivre-argent qui s'instaure. Mais c'est vraiment à partir de 1645, 1660, dans ces eaux-là. Vers le XVIe siècle, le paysage est tout autre. Nous voici dans un monde de corruption, d'intrigue, où les eunuques de la cour semblent jouer un rôle vraiment très puissant. Alors, après le siècle, le premier siècle de disons, tout le XVe siècle, la dynastie, bon, est en une phase ascendante. À partir du XVIe siècle, on voit que ça commence vraiment à être un moment de décadence. D'abord parce que le gouvernement a fait un jeu politique qui s'appuie sur les eunuques, en pensant que les eunuques étaient moins dangereux que les aristocrates ou les militaires, dans la mesure où ils n'avaient pas de famille. Et donc, ils ne pouvaient pas établir des connexions, des ligues et tout. Mais en fait, non, les eunuques se sont évidemment organisés entre eux, et en particulier tout au début de l'ère Cheng Te, donc au début du XVIe siècle, il y avait un groupe d'eunuques qu'on appelait les huit tigres, qui ont mis le pays en coupe réglée, c'est-à-dire qui se faisaient octroyer des terres. Même quand les terres avaient des propriétaires légaux, les eunuques et les princes de la famille impériale se faisaient donner les terres. Et donc, il y avait un accaparement des terres, et naturellement les terres les plus rentables, au profit des eunuques et des aristocrates de la famille des Chou, enfin la famille donc des impériales des Ming. Donc forcément, ce qui se passe, c'est que les paysans sont dépossédés, se transforment évidemment en bandes errantes, ou se mettent au service soit des propriétaires terriens pour servir de milices, soit se louent à la journée, et soit, ou alors font des bandes qui se répandent dans les provinces, et puis qui naturellement créent des troubles que le gouvernement essaye de mater. Donc on envoie l'armée, et puis c'est le cycle de la révolte. Les eunuques, ils sont visiblement contre les lettrés, contre les fonctionnaires. N'y a-t-il pas aussi un problème de religion ? Non, parce que là, à cette époque-là, on peut pas dire que la religion ait une grande importance dans les conflits. Le conflit se fait entre lettrés, c'est-à-dire les confucéens, eunuques qui, eux, ne sont là que grâce à la faveur impériale et non pas par leur mérite à des examens ou des concours. Et puis les militaires, dont on a besoin pour, évidemment, écraser les rébellions paysannes et puis, en même temps, lutter contre les invasions, les razzias mongoles au nord et les razzias qui commencent à partir du milieu du XVIe siècle, des Mandchous au nord-est. Même l'empereur et sa famille seraient corrompus, mieux cupides ? Ah, ils sont extrêmement cupides, extrêmement corrompus. On sait que, par exemple, les princes de la famille impériale se font octroyer 70% des terres irriguées au Sichuan, par exemple, alors que 10% restent aux mains des paysans. Or, le Sichuan, c'est là que va s'installer Chang Sanchong. Donc déjà, on peut dire que au début du XVIIe siècle, la province du Sichuan est en état de quasi-rébellion, puisque les paysans ont été expulsés de leurs terres ou forcés de travailler comme serfs sur les terres qui étaient les leurs. Je rappelle pour les auditeurs du magazine d'archéologie de France Culture que nous évoquons avec François Thierry le fabuleux trésor récemment découvert dans la rivière Min par des archéologues chinois de la province du Sichuan. Tout est mûr pour une explosion, une révolte auquel s'ajoute d'ailleurs une famine. En 1635, nous voici avec 13 chefs rebelles formant une véritable ligue. Oui, alors il y a une réunion au début de 1635, il y a une réunion à Rongyang, c'est au Henan, où les principaux chefs rebelles, ils sont 13, se réunissent pour essayer de mettre au point une attaque générale contre le gouvernement des Ming. À cette époque-là, Chang Xianchong n'est qu'un petit chef, hein, il ne fait pas partie des grands. C'est comme Li Zicheng, celui qui va prendre Pékin en 1644. Ils sont que des petits, mais Li Zicheng montre vraiment des capacités d'organisateur et de chef au moment de cette conférence, ce qui n'est pas le cas de Chang Xianchong. Donc ce groupe de chefs va diriger les troupes rebelles vers l'est, donc vers Pékin, et ils traversent d'abord le Henan, puis ce qu'on appelle le Nanchili, c'est-à-dire en fait aujourd'hui l'Anhui et le Jiangsu, c'est-à-dire les riches provinces du bas Yangtze. En tout cas, ils s'unissent tous les deux sous une sorte de bannière qui aurait été titrée « Empereur véritable, dragon primordial ». Et c'est eux, bien sûr, qui pillent le berceau original des Ming. Oui, alors ils s'emparent de Feng Yangfu, actuellement dans l'Anhui. C'est le berceau de la famille des Ming, c'est de là dont originaire la famille Chu, la famille des Ming. Et effectivement, là, ils pillent les palais et surtout, ils pillent les tombes impériales des empereurs Ming précédents. Qu'est-ce que l'on possède comme texte, comme source historique sur ces récits? Alors, est-ce que l'on a beaucoup de documentation? Oui, on a beaucoup de documentation. On a d'abord le Ming She, c'est-à-dire l'histoire des Ming. On a le Ta Ming Hui Tian, c'est-à-dire les codes et règles des Ming. Et puis, on a beaucoup d'histoires non officielles écrites à la fin des Ming et écrites au début des Qing. Oui, on a beaucoup de choses sur cette période, la période des révoltes paysannes. Ça, oui, on est assez bien renseigné. Après une brève allégeance aux Ming, Zhang écrase l'armée impériale en août 1639. C'est quand même très efficace. Hein. Oui, ce qu'il y a, c'est que après la marche sur Pékin qui n'a pas fonctionné, en 1638-1639, les rebelles refluent. Hein, donc ils sont. Le gouvernement pense qu'en fait la situation va être réglée. Effectivement, Li Zicheng part vers l'ouest et Chang Xianchong essaye de prendre Nankin. Il échoue, il recule. Et il se replie sur la région de la ville actuelle de Wuhan, c'est-à-dire en fait Hanyang et Wuchang, qui sont des très grosses conurbations au croisement au confluent de la rivière Han et du fleuve Bleu. Et là, il s'installe là, à Wuchang, pendant quelques temps, et il s'y proclame prince d'Occident. Et naturellement, il massacre le prince de Chu, il pille largement la ville. Mais il ne peut pas rester là parce qu'il est pressé à nouveau par les impériaux et il doit se replier sur l'ouest. Les batailles paraissent sanglantes, les massacres et batailles et pillages terribles. Vous évoquez même une dérive mégalomaniaque et paranoïaque de Zhang. Oui, parce qu'il y a une différence entre Li Zicheng. Li Zicheng va essayer de constituer un État, un vrai État. C'est lui qui va prendre Pékin, d'ailleurs. Alors, il s'installe à Xi'an, enfin à l'actuel Xi'an. Il fait Chang'an, il en fait sa capitale. Il crée des ministères, il crée une administration. Il essaie de faire une réforme agraire. Il réunit autour de lui des lettrés. Il y a des lettrés des Ming, d'ailleurs, qui se rallient à lui. Donc, il essaie véritablement de faire un contre-État. Et puis, il marche sur Pékin. Donc, là, lui, il a une vraie démarche, disons, traditionnel de rebelle. En fait, Li Zicheng, au départ, il est comme Chu Yuanchang, fondateur des Ming. Il se constitue la même chose. Tandis que Chang Xianchong, c'est plutôt une bande de pillards qui cherche un endroit pour s'installer et profiter. Il n'y a pas d'organisation, véritable organisation. Il s'installe à Wuchang, il pille Wuchang, ensuite il va à Changsha, qui est une énorme capitale au Hunan, une ville extrêmement riche, pareil, il la pille, et puis il se replie vers l'ouest, poursuivi par les impériaux. Il pille Chongqing, la première ville de Sichuan, qui est sur sa route. Où il massacre. C'est un massacre épouvantable. Et ensuite, il débouche dans le bassin du Sichuan, qui est une région extrêmement propice, parce que c'est un bassin assez isolé, assez bien défendu par les montagnes, et puis qui se suffit à lui-même. Il y a beaucoup de, il y a du riz, il y a de la canne à sucre, il y a énormément de choses pour vivre, et il y a des mines, Et donc, il s'installe à Chengdu, et ce qui est assez intéressant, c'est que Chengdu a tellement peur après le pillage et les massacres de Chongqing que la ville ouvre ses portes pour avoir le moins de pillage et le moins de massacres possible. Et en fait, non, il se rue dans la ville, c'est un pillage total, et il s'installe là, il en fait sa capitale. François Thierry, nous sommes en tout cas loin de la Chine raffinée que l'on imagine. Pour exemple, la mort du prince de Fu, deuxième fils de l'empereur, par les troupes de Li Zicheng. Alors oui, ça c'est un petit... C'est assez amusant si l'on peut dire, parce que en fait, comme le prince s'appelle le prince de Fu, et Fu ça veut dire bonheur. Alors ils vont, pour avoir le bonheur, et puis Lu, les émoluments, Fu, Lu, Shu, c'est les trois étoiles de la cosmogonie chinoise qui permettent d'avoir les trois bonheurs en même temps, et bien on va le hacher menu, on va le mélanger avec de la viande de cerf, c'est Lu. c'est homophone de loup, donc loup, donc on a déjà fou et loup, et on le fait cuire, on le fait manger. C'est un banquet rituel ? C'est un banquet, oui, une sorte de banquet rituel. Bon. Mais ça, on a d'autres exemples jusqu'au XVIIIe siècle en Chine d'anthropophagie, mais à la limite, oui, du rituel. Hein. On sait par exemple qu'on fait souvent bouillir les condamnés, on fait boire le bouillon à la famille. Ça, c'est une chose qui arrive jusqu'au XVIIIe siècle. On a des exemples d'anthropophagie jusqu'à l'époque de Qianlong. Un autre serait brûlé ? Alors oui, il y a un autre prince dont on ouvre le ventre, qui est tellement gras qu'on ça permet, avec le gras de son ventre, de faire une lampe. Oui. C'est dans sa fuite, nous dit la légende, que Xiang aurait perdu son trésor chargé sur des bateaux. Sait-on exactement à quel moment se passe cet événement ? Alors oui, bien sûr, on sait, parce qu'en fait, le gouvernement est tellement paranoïaque et tellement tyrannique, qu'il s'attire la haine de la population locale, et donc il y a des milices locales qui se créent pour lutter contre le gouvernement de Chang, et en particulier, il est pressé donc par les Qing au nord, par les Ming du sud au sud-est, et puis localement par des milices locales de membres de la gentry ou de petits aristocrates locaux ou de fonctionnaires. Donc il est forcé de quitter sa capitale, et avant de quitter sa capitale, son premier ministre, il dit ce qu'il faut, c'est embarquer tous vos trésors, et puis piller tous ceux qui sont encore dans la ville, et puis vous filez vers le nord, vous devez filer vers le nord-ouest. Donc, ils ramassent effectivement le maximum d'or, d'argent, de trésors, d'objets, de jade, et ils mettent tout ça sur des bateaux, qui prend la direction du nord-ouest, sur la rivière Min. Et là, donc là, il quitte Chengdu vers la fin de 1644, et c'est au début de 1645 que sa flotte tombe dans une embuscade et les trésors disparaissent dans le fleuve. Lui s'échappe, mais il sera pris et exécuté quelques mois après. De la Chine impériale à celle maoïste, comment ces rebelles ont-ils été perçus par les historiens ? Des régicides ou tout au contraire des leaders paysans au sein d'un mouvement populaire ? Ah ben alors il y a les deux, c'est simple. Sous les Ming du Sud, naturellement, ils sont considérés, Li Zicheng et lui et Chang sont considérés comme des régicides. Sous les Qing, qui reprennent en fait à leur compte le mandat du ciel et donc la légitimité historique de l'empire de la Chine, ils sont toujours considérés comme des régicides. D'ailleurs, les récits qui sont publiés, enfin qui sont écrits dans les années 1680-1690 sont tous des textes à charge contre les rebelles, mais avec beaucoup de détails, des détails très précis. C'est-à-dire factuellement c'est très intéressant, mais par contre c'est vrai que les individus sont considérés comme des types absolument infects. Mais ce qui se passe après, évidemment, c'est qu'il y a une réévaluation à l'époque maoïste, enfin même avant, à l'époque communiste, dans la mesure où à ce moment-là, ce sont des leaders paysans. Donc ça entre dans la grande geste du mouvement paysan chinois. En conclusion, François Thierry, en 1669, la Chine tombe aux mains des Mandchous. Le dernier empereur Ming, d'ailleurs, se suicide. Peut-on dire que Zheng a contribué à l'effondrement de l'empire Ming ? Ah bah oui, parce que entre 1630, en gros, entre 1630 et 1646, il n'a pas cessé de battre la campagne. Ils ont quand même ravagé tout le sud, il a quand même ravagé tout le sud, toute la rive sud du fleuve bleu, c'est-à-dire les régions les plus riches, hein, les régions de Nankin, la région de Nanyang, la région de Changsha, la région de Wuchang, et puis ensuite le Sichuan. Donc oui, ça, effectivement, il a participé grandement à la chute des Ming. François Thierry, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Olivier Dupré, avec la contribution d'Anne-Catherine Lechard. Vous pouvez bien entendu écouter ou podcaster cette émission sur la page de Carbone 14, sur le site de franceculture.fr, ou retrouver plus de 300 archives de l'émission sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, Carbone 14 se penche sur le berceau de la préhistoire.